voilà qu'on descend dans la lumière. Cacaya, Capilotaria, et leur cri aujourd'hui est sans frontières. Cacaya, Capilotaria, au fronton d'Andaille, les couleurs sont de France ou d'Espagne. Le vent des montagnes fait claquer les fanions de la joie. Au Pays Basque, c'est le jour du Gistera. Au Pays Basque, on ne vit plus que pour ça. Le pays tout entier est face à face. Cacaya, Capilotaria, les touristes éblouis sont sur la place. Cacaya, Capilotaria, Saint-Jean ou Bayonne, au soleil tous les joueurs nous étonnent. Déjà l'on fredonne la chanson du vainqueur. Mon Pays Basque, si je gagne c'est pour toi. Chistera est à toi. Et Dunedera, pilota Iguskia. Et Dunedera, piba Esquadria.